Quatrième et dernier volet de notre série consacrée à l'année 1958 en Algérie. Aujourd'hui, le rôle politique de l'armée. Après avoir évoqué le réformisme colonial lundi, les engagements de jeunes femmes d'Algérie dans les programmes de pacification, c'était mardi avec le documentaire que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site internet de France Culture, comme toutes les autres émissions d'ailleurs. Puis hier, avoir abordé l'internationalisation de ce conflit, nous allons ce matin, dans cette dernière émission de notre série, nous intéresser au rôle politique qu'a joué ou qu'on a laissé jouer à l'armée en Algérie, et en particulier pendant cette année 1958. Nous parlerons guerre psychologique, justice militaire, résistance à l'engagement militaire, dans cette émission qui sera co-animée par Séverine Attard, comme toutes les émissions de la semaine, avec nos trois invités. Tramor Kemener, il est chargé de cours à l'université Paris 8, il est vice-président de l'espace national Guerre d'Algérie, il nous en parlera également. Denis Leroux est avec nous, il est doctorant à Paris 1, il est auteur d'une thèse qui va bientôt terminer sur l'action psychologique, sur la guerre révolutionnaire et sur le cinquième bureau. Il nous y expliquera ce qu'est ce cinquième bureau. Et enfin, Marius Loris est également avec nous, il est doctorant à Paris 1 en histoire et il accomplit une thèse sur la relation d'autorité dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Mai 1958, Mohand Saïd Madani du CSP. Mes frères musulmans, le comité de salut public constitué à Alger le 13 mai 1958 a enregistré avec fierté l'émouvant rassemblement des populations musulmanes autour des comités locaux qui se sont spontanément constitués sur l'ensemble du territoire algérien. Ces hommes ont droit dès à présent à la reconnaissance de la patrie. Nous leur demandons de persévérer dans les comités locaux et dans l'action engagée en rassemblant autour d'eux les populations encore indécises qui hier encore s'interroger sur les résolutions de la France. Qu'ils sachent que la France ne les abandonnera jamais. Tous ensemble, nous jetterons l'ennemi au service de l'étranger hors de notre territoire. Nous construirons une Algérie libérée de la peur, une Algérie fraternelle et humaine, où les mots d'égalité, fraternité et justice retrouveront tout leur sens. Nous tous qui avons pris le combat pour affirmer la permanence de la France en Algérie, nous en faisons ici le solennel serment. Les khawtis, rani farhan bzaf lyoum. Voilà, mai 1958 à Alger, en Algérie. Donc évidemment, on ne pouvait pas ne pas évoquer à un moment ou à un autre de notre série, Séverine Attard, bonjour. Bonjour. Ces moments justement du Forum d'Alger qui vont permettre la prise de pouvoir à Paris du général de Gaulle et le rôle que l'armée a pu jouer dans tout cela. Bonjour Tramor Kemener. Bonjour. Bonjour à vous Marius Loris. Bonjour. Et bonjour Denis Leroux. Bonjour. Alors, vous travaillez, Denis Leroux, sur un sujet qui est peu connu, celui du cinquième bureau. Alors, on connaissait le deuxième bureau, mais on ne sait pas très bien ce qu'était ce cinquième bureau. C'est un bureau donc de l'armée qui s'occupe d'action psychologique et ce qu'on vient d'entendre peut faire partie de l'action psychologique telle qu'elle est conçue par cette armée en 1957-58 en Algérie, c'est-à-dire utiliser des populations locales pour pouvoir justement porter la bonne parole de la France dans cette Algérie en transformation et en guerre. Oui, tout à fait. Le Bureau d'action psychologique a une histoire qui est assez brève. Hein. Ça va travailler pendant 5 ans, pendant la guerre d'Algérie. C'est une expérience assez unique. Il n'y a pas vraiment d'équivalent avant du Bureau d'action psychologique. Et donc, il est créé en 55. Au début, je contente de faire de la propagande, essentiellement à destination des appelés, parce qu'il y a des problèmes à ce niveau-là au début de la guerre. Et très rapidement, il va commencer à faire de la propagande pour les Algériens. Et faute de directives précises du gouvernement, ils vont petit à petit avoir leur propre programme politique. Puis ils ont un monopole sur les moyens d'expression de l'armée. Ils ont des journaux, des émissions de radio. Et ils ont aussi des officiers, les officiers itinérants, qui vont dans les unités pour apprendre aux militaires à rassembler la population, à lui parler directement. C'est-à-dire, il s'agit de plus de parler aux notables, mais de rassembler toute la population. Et le mieux, c'est d'arriver à faire parler des Algériens à d'autres Algériens en faveur de l'Algérie française, et pas simplement l'Algérie française, aussi l'Algérie nouvelle. C'est-à-dire qu'il s'agit de réformer l'Algérie de fond en comble et de garantir une égalité de droit entre les Algériens et les Français métropolitains. Oui, parce qu'ils se pensent révolutionnaires, ces militaires. Alors, tous, peut-être pas tous, mais c'est un des trucs que je retrouve, moi, dans les archives qui m'a marqué, et j'ai décidé d'essayer d'expliquer ça. Je retrouve des mentions, justement, de l'armée qui doit jouer un rôle révolutionnaire en Algérie, d'officiers révolutionnaires. Alors, je pense que c'est une petite minorité d'officiers, mais qui se montrent particulièrement actifs dans l'action psychologique. Et vous évoquez, Denis Leroux, dans vos articles, une opération aussi qui va être montée dans le cadre cette stratégie de pacification et de révolutionner les esprits. C'est l'opération pilote qui, à l'origine, est pensée par un ethnologue, hein, et c'est Servier, notamment, avec justement le bureau d'action psychologique, le BRAP. Et donc, où effectivement, il y a tout un système de formation, à la fois aussi pour des Algériens, qui vont ensuite venir infiltrer les villages, les douars, pour faire de la propagande Algérie française. Alors exactement. L'opération pilote a lieu à peu près en même temps que la bataille d'Alger. On peut dire que c'est son pendant rural. La bataille d'Alger, d'ailleurs, est décrite dans certaines directives comme une opération pilote. L'opération pilote a ceci de particulier qu'elle est dirigée par des hommes du Bureau d'action psychologique et un ethnologue, Jean Servier, qui est pied-noir d'origine, qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est très proche des milieux militaires. Spécialiste des berbères. Des berbères, et alors il est berbérophone, arabophone, connaît bien l'Algérie qu'il a parcouru dans tous les sens. Et après, bon, savoir exactement qui a l'initiative, c'est pas évident parce que Servier est influencé par les militaires, il influence les militaires, c'est pas évident de voir, mais il joue un rôle important dans le truc. Et la particularité, une des particularités de Pilote, c'est l'idée que l'organisation, le FLN, a une organisation que les militaires appellent politico-administrative, l'OPA, qui contrôle la population et sur laquelle s'appuient les maquis. Et l'idée, c'est que si on détruit cette organisation politico-administrative avec les méthodes de la bataille d'Alger, il y a un vide qu'il faut combler. Et il faut la combler avec une OPA pro-française qui serait animée par des agents formés dans un centre clandestin. Alors ces agents, au début, sont clandestins. Ce centre clandestin est monté à Arzeux, à côté du centre d'instruction, pacification et contre guérilla, juste à côté d'Oran. Et il va former, jusqu'en 59, quelque chose comme 350 agents, je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là. Ces agents ne sont pas volontaires. Et la particularité aussi, c'est que c'est très inspiré de la détention dans les camps du Viet Minh. Les officiers qui actionnent ce centre sont d'anciens prisonniers du Viet Minh. Et ils ont subi une tentative de rééducation politique par les commissaires politiques du Viet Minh. Et ça les influence beaucoup. Et ce qu'ils veulent faire, c'est former des commissaires politiques algériens, l'équivalent des commissaires politiques du FLN, mais pro-français. On viendra sur cette question de l'action psychologique. Mais on a l'impression, Tramor Kemener, quand on s'approche de cette année 1958 au point de vue militaire, qu'effectivement, l'armée, dans cet espace, après le succès de la bataille d'Alger en 1957, est toute puissante et qu'on lui laisse la possibilité de se répandre un peu partout avec son propre agenda. Et c'est cela qui est peut-être le plus étonnant, c'est de considérer qu'il y a un agenda politique de l'armée en Algérie ou des armées, on en discutera avec vous et avec Marius Loris, mais des armées en Algérie en 1958. Oui, effectivement. Ouais, à la rigueur, depuis et même depuis avant, ouais. On a vraiment une grande muette qui ne l'est absolument pas et qui agit beaucoup et qui prend de plus en plus effectivement de pouvoir et qui a de plus en plus, comme vient de le dire Denis, une voix qu'elle prend, une voix politique et même dès le début de la guerre en fait, c'est le premier tournant en fait avant 58, c'est 56 où on a la journée des tomates, et on a déjà des premiers militaires qui commencent à prendre parti. On va dire une partie politique. Donc dans Guy cette Mollet guerre-là. Qui vient en Algérie en tant que chef du gouvernement, voilà. Qui reçoit les tomates et qui va changer sa politique d'une certaine façon sous ce qu'il considère comme étant quelque chose d'insupportable, effectivement. Et donc, à partir de ce moment-là, donner, non pas les pleins pouvoirs à l'armée, mais en tout cas, laisser la bride sur le coup de l'armée. Et dans la journée des tomates, dans cette manifestation-là, on a déjà des militaires qui sont contre le pouvoir et qui vont essayer d'agir à ce moment-là. On retrouve également cela à la fin de l'année 1956, avec déjà une première tentative de coup d'État par des militaires, le général Faure en particulier. Et donc on voit vraiment bien cette armée-là qui est de plus en plus puissante finalement et qui se pose finalement aussi en alternative. L'Algérie et Alger n'est plus maîtrisée par Paris. Donc on a vraiment une autonomisation de ce point de vue-là finalement de l'espace politique, politico-militaire en Algérie. C'est rignata. Et à partir de quel moment l'armée va même obtenir des pouvoirs des pouvoirs municipaux presque de l'ordre d'un préfet, enfin va gérer même l'autorité civile. Est-ce que dans ces années 56 ou même après le 13 mai 58, Trabor Kamener. Parce que là, c'est de la politique qui ne se dit pas, mais en fait. Les pouvoirs spéciaux, c'est à partir de 56, mais on pourrait même remonter avant, même chose également, finalement, depuis le tout début, 55. On a, par exemple, les sections administratives spécialisées, qui sont aussi, finalement, une forme de prise en compte par l'armée, d'aller, finalement, aussi à pallier le manque administratif qui est présent en Algérie. Et donc, finalement... Ce sont des militaires qui font l'administration du territoire. Voilà, les tâches de pacification, comme on l'a appelé, c'est-à-dire à la fois l'éducation, les soins, l'administration en tant que telle, les papiers d'identité, etc. etc. Tout ça, finalement, est pris en compte au fur et à mesure par l'armée. Donc, finalement, l'armée est quelque part là aussi toute puissante. Elle prend non seulement les tâches de répression, mais en plus celles de pacification. Et c'est elle aussi qui décide, par exemple, des villages de regroupement. Quel village doit justement rejoindre une SAS Voilà, tout à fait la même chose. C'est à partir du début de l'année 55, finalement, où il y a un tel vide, finalement, en Algérie, au niveau politique et administratif, que l'armée s'engouffre là. Elle prend possession quelque part du territoire. C'est une reconquête aussi. Hein. On l'a beaucoup dit, finalement, ça, pendant la guerre d'Algérie. C'est une guerre de conquête, voire de reconquête. Et donc, il faut occuper ce territoire-là. L'organiser. Voilà. L'organiser. Et effectivement, les villages de regroupement commencent dès 55. Marius Loris, pourquoi a-t-on en tête, dans ce cas-là, ce que vient de dire Trabor Kamener en particulier, cette idée que 1958, et en particulier le 13 mai, est une rupture? Bon, on a tous lu il y a très longtemps Raoul Girardet, on a tous réfléchi à partir de ce qu'il avait écrit dans ce domaine, disant que cette date de mai 58 était la fin de l'obéissance traditionnelle de l'armée vis-à-vis du pouvoir politique, mais on semble s'acheminer vers des réévaluations de ces questions-là, et donc c'est bien un peu plus tôt, voire beaucoup plus tôt, que justement on sent cette volonté d'autonomie politique de l'armée ou des armées en Algérie. Pour revenir au constat de Raoul Girardet, pour rappeler qui c'était, donc c'est un historien de l'Algérie, mais politique. Très politique, puisqu'il a été membre, partie prenante de l'OAS. L'OAS, voilà. Néanmoins, donc il connaît les archives et effectivement l'armée. Historien des droites, par ailleurs. De près. Effectivement, son constat sur la fin de l'obéissance traditionnelle en 58, en fait, il faut avoir à l'esprit que c'est évidemment il a une lecture politique des événements et qu'il est du côté de la partie politique de l'armée. Et quand il dit fin de l'obéissance traditionnelle, c'est en gros l'armée décide en quelque sorte, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, de dicter, de demander directement au pouvoir politique plus de pouvoir. Effectivement, ça a déjà été dit depuis les pouvoirs spéciaux, ensuite pendant la bataille d'Alger, l'armée a des pouvoirs considérables puisqu'elle cumule les pouvoirs civils et militaires. On l'a dit. Pourtant, moi, ce qu'on peut constater aussi, c'est que de quelle armée il s'agit quand on dit l'armée s'autonomise. Et il apparaît que, effectivement, c'est une partie spécifique dont parle Girardet et dont on parle souvent, c'est l'armée, ce qu'on appelle, pas l'armée professionnelle, mais les troupes de réserve générale, qui sont en fait les troupes d'élite de l'armée française, c'est-à-dire les parachutistes principalement et les légionnaires, pas uniquement, mais on va dire principalement pour simplifier. Et ces troupes de réserve générale, pour, en fait, en tout cas, une bonne partie d'entre elles, et notamment leurs officiers, hein, ils ont été également en Indochine. Et donc, Denis, on en reparlera sûrement tout à l'heure. Et en fait, cette armée donc de réserve générale, c'est celle qui est la plus politisée, effectivement, parce que un certain nombre ont connu les camps Viet Minh, ou en tout cas l'Indochine, qui sont plus ou moins formés à l'idée de la guerre contre-révolutionnaire. Et cette armée, elle représente même pas 10% hein, de l'ensemble des effectifs en Algérie. Et effectivement, c'est dans cette armée-là qu'on va retrouver principalement les activistes, les plus en vogue du 13 mai. Ceux qui veulent avoir un rôle politique. Voilà, ceux qui veulent avoir un rôle politique. Donc on va retrouver Massu en première loge, puisque c'est lui qui dirige la 10e division parachutiste à Alger, mais aussi un certain nombre d'acteurs un peu moins connus, on pourra en parler, moi j'avais travaillé sur Marcel Bijard, qui est connu, qui est un acteur un petit peu détourné du 13 mai, pas exactement, parce qu'il n'est pas à Alger. Donc c'est effectivement cette armée-là, mais dans l'armée française, il y a aussi toute une autre composante, et il y a encore des légalistes traditionnels, notamment, je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, mais il y a effectivement des militaires de carrière, hein, qui ne voient absolument pas, qui voient d'un très mauvais œil, l'entrée en politique de l'armée française depuis 56, et particulièrement lors du 13 mai. Alors par exemple, ce seraient des noms obscurs que je vous donnerais. Moi, ce que je peux constater, par exemple, quand on lit les témoignages de ce qui se passe pendant le 13 mai, pendant la guerre d'Algérie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de capitaines ou de colonels de secteurs qui sont par exemple totalement opposés au 13 mai. Et qui considèrent d'ailleurs, et qui empêchent d'ailleurs certains de leurs officiers de rejoindre Alger ou de manifester, par exemple, leur volonté de changer de régime. Et qui disent, il y a un colonel Ronsin, par exemple, là, qui dit, moi, je suis légaliste, je suis royaliste, je suis légaliste, mais je suis encore sous les ordres de la 4e République et je refuse, en tout cas, tout ce qui se passe au moment du 13 mai. Voilà, pour vous donner un exemple, il y a beaucoup de cas comme ça. Dans ton village, au vert cottage, plein de chants d'oiseaux. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, chez toi l'amour t'attend. Là-bas, fuyant le monde, veille une blonde qui brode en rêvant. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, reviendra Johnny. Là-bas où sont ta mère, ton bon vieux père et tous tes amis. Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, le lilas fleurira. Là-bas dans ton Écosse, le jour des noces de ta sœur Anna. Voilà, le grand succès de 1958 en France, métropolitaine, c'était Annie Cordy chantant « Hello, le soleil brille, brille, brille ». Évidemment, la chanson du film « Le pont de la rivière Kwai » qui nous renvoie du côté du sud-est asiatique avec des prisonniers européens d'une puissance extra-européenne, à savoir à l'époque le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, et la volonté de résistance de ces Européens à cette puissance extra-européenne. On peut imaginer ce que des chansons comme celle-ci, et les paroles en particulier prônant le retour chez soi, avaient comme effet sur des soldats d'Algérie en 1958. Il faut dire, Denis Leroux, combien justement cette matrice asiatique, et en particulier indochinoise, a de poids dans l'armée de 1957-1958. En Algérie. Alors elle a un poids indéniable. Je voudrais quand même un peu le relativiser pour commencer. Il n'y a pas que l'Indochine. Il y a d'autres expériences qui sont importantes, en particulier la Seconde Guerre mondiale. Vous dites qu'on est au bout de, en 62, on serait au bout de 23 années de guerre ininterrompue, ce que peu de gens ont en tête, effectivement. Oui, il y a une armée qui n'a pas cessé de se battre ou d'être battue de 1939 jusqu'en 1962. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les militaires qui ont un grade de commandant, à peu près, sont en guerre depuis 23 ans. Donc ça, avec des hauts, des bas, des périodes d'activité, d'inactivité, mais c'est à peu près ça. Et donc il y a cette histoire de la Seconde Guerre mondiale qui est importante, je ne veux pas trop insister dessus. Puis en parallèle, il y a d'autres expériences coloniales aussi qui jouent un rôle important. Au cinquième bureau, je vois, il y a un pool d'officiers qui vient des affaires indigènes du Maroc, qui joue un rôle très important dans l'organisation de la pratique de la pacification. Certains sont passés par le sud tunisien avant l'indépendance tunisienne en 56, par exemple. Également. Alors l'Indochine, pour revenir sur ce point-là, c'est vraiment le moment important parce que c'est aussi à ce moment-là que se développe tout un discours qu'on appelle maintenant la doctrine de la guerre révolutionnaire, qui postule que les guerres menées, l'arme nucléaire empêche les guerres conventionnelles. Et donc l'ennemi soviétique utilise des méthodes irrégulières pour déstabiliser le monde libre. J'utilise les termes de l'époque. Et donc ils ont développé une doctrine, c'est ce que disent les militaires français, une doctrine de la guerre révolutionnaire. Et l'enjeu n'est plus de tenir le territoire, mais de contrôler la population. Et c'est un colonel d'infanterie coloniale, Charles Lacheroy, qui devient extrêmement influent dans les milieux ministériels et qui devient un peu le penseur, un des principaux penseurs de l'action psychologique, qui va porter cette idée. Et ça radicalise profondément la guerre en Algérie parce que ça fournit toute une sorte de cosmogonie qui justifie les méthodes mises en place. L'idée, c'est qu'il y a une sorte de mimétisme avec les méthodes qu'on attribue à l'adversaire, que les militaires français attribuent à l'adversaire. Sauf que quand on regarde de près, c'est un peu faussé. Ils réintroduisent aussi des méthodes qui peuvent venir d'ailleurs. Par exemple, le DPU, vous avez dû en parler quand vous avez parlé de la bataille d'Alger, c'est l'encadrement de la population d'Alger avec des chefs d'îlots un peu partout. Bon, on voit que des chefs d'îlots à Alger, il y en a eu quand? Il y en a eu quand Alger est vichiste, avec la Légion des combattants. Donc par exemple, ça va permettre de réintroduire des choses comme ça en disant « oui, mais on réutilise les armes de nos adversaires, sauf que ça a d'autres genèses plus compliquées ». C'est Vrignata. Donc en fait, c'est de l'action. Ils enseignent l'action psychologique par l'action psychologique. Et il y a toute une génération, Denis Leroux, finalement. Alors, peut-être pas forcément, vous dites, d'officiers, mais des grades au-dessous qui vont être formés à cette idéologie et à cette stratégie. Alors, le cas. Vous avez fait une prosopographie un petit peu, là, oui. Justement. Le cas le plus marquant de ce genre de formation, c'est le Centre d'instruction, pacification et contre-guérilla, le CIPCG d'Arzeux. Tout à partir de 57, de novembre 57, octobre, le 5e bureau s'empare de ce centre et tous les officiers qui arrivent en Algérie pour aller pas dans les réserves opérationnelles, dans la réserve générale, mais en tout cas tous ceux qui vont dans les troupes, qui vont quadriller l'Algérie, passent pour faire un stage de 2 semaines qui est extrêmement idéologique. C'est essentiellement des conférences, il n'y a presque plus d'entraînement. Aussi sur la société musulmane. Oui, c'est ça. Alors il va y avoir de la sociologie musulmane, avec des guillemets, guerre psychologique, pacification, guerre révolutionnaire, les conférences de Lacheroy, voilà, des choses comme ça, quoi. Tramor Kemener, vous avez travaillé vous sur des questions, par exemple liées à la désobéissance des appelés dans le cadre de la guerre d'Algérie. Est-ce que, en parallèle de cette volonté de transformer la guerre qui est en train de se dérouler en guerre révolutionnaire par une partie de l'armée en France, est-ce qu'il y a de l'autre côté des visions révolutionnaires de cette guerre, de ceux qui ne veulent pas y aller? Est-ce que 1958 marque le pas d'un engagement à ne pas faire la guerre d'Algérie pour ceux qui ne veulent pas participer à cette guerre coloniale, en l'occurrence Tramor Kemener. Effectivement, ouais. Alors effectivement, on le retrouve. Enfin, je pense que ça rejoint ce qu'on dit et ce que vont dire aussi Denis et Marius, c'est-à-dire que on retrouve d'ailleurs aussi parmi ces désobéissants des officiers ou sous-officiers qui vont passer, qui vont être formés et qui vont se retrouver finalement à devoir avoir une vision avec laquelle ils ils ne sont pas du tout d'accord et finalement à être amenés finalement vers la désobéissance aussi. Je pense par exemple au cas connu de Jean Lemeur, qui a été formé à Cherchel et qui finalement à l'issue de sa formation a décidé de désobéir. Quelle année c'était? C'est 1959. Voilà. Mais voilà. Et là, je pense qu'effectivement autour de 1958, en fait, il y a effectivement un retournement. Alors je vais encore revenir un tout petit peu avant. Le premier moment que Marius a, dont Marius a parlé tout à l'heure, c'est effectivement toujours les années 55-56, où là il y a beaucoup de manifestations de rappeler, et qui est un premier mouvement en fait politique de refus de la guerre, aussi par des rappelés qui sont plus âgés en fait que les simples appelés, donc ils ont quand même pour certains 22, 23 voire 25 ans, et ils refusent un petit peu cette guerre-là, et sur des motifs qui sont personnels, mais aussi des motifs qui sont politiques, et on a un discours qui est anticolonialiste qui est présent là. Après, par contre, l'opposition à la guerre, finalement, elle repart de zéro parce que le mouvement est totalement laminé. Et donc, on n'a plus véritablement de mouvement politique portant cette forme de désobéissance là. Comme du temps d'Henri Martin pour la guerre d'Algérie, par exemple, avec le Parti communiste qui fait des manifestations, qui graffite les murs de France, justement, pour demander la libération d'Henri Martin qui avait justement empêché qui ne voulait pas partir faire la guerre en Indochine. Oui, tout à fait. Effectivement, le Parti communiste a voté des pouvoirs spéciaux et certains soldats, Alban Liechti en particulier, par exemple, vont se retrouver à devoir participer à la guerre d'Algérie et finalement se retrouvent dans une forme d'impasse et ils se disent le parti il va y avoir quelqu'un comme Henri Martin qui va surgir dans la guerre d'Algérie et finalement il y a personne. Et c'est comme ça que lui finalement décide de refuser de participer à la guerre et finalement il va être un peu lâché. Il va se retrouver à faire toute une période de vide avant de pouvoir être soutenu et qu'il y ait une campagne à partir de 57 qui le soutienne. Et après, par contre, le Parti communiste va changer sa position justement par rapport à ces soldats du refus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup de répression évidemment à l'égard notamment de la presse communiste. Et puis Thorez, vous dites dans l'un de vos articles, va dire que les militants communistes doivent aller à la guerre pour y poursuivre la lutte contre la guerre et ils doivent travailler là où ils sont. Effectivement, on peut voir en 59. En 59, mais on peut voir effectivement là un basculement autour de 58. Où le Parti communiste, enfin les soldats communistes en fait deviennent plus nombreux en janvier 58 et on a certains qui désobéissent ou qui sont condamnés, qui passent au tribunal militaire même le jour du 13 mai 58 et là c'est un moment aussi où le Parti communiste se demande vraiment ce qui va en être, les militants qui sont emprisonnés, qui sont jugés se demandent ce qui va en être et donc on va retrouver une forme de bascule où le Parti communiste effectivement va ensuite se dire que les soldats doivent être dans le cadre militaire pour jouer contre la guerre et pas effectivement désobéir. Et donc ils vont en quelque sorte s'apercevoir aussi que leur forme finalement d'action contre la guerre et par le refus ne marche pas. Par contre, en 58 également, c'est le moment de la création d'une organisation comme Jeune Résistance, donc à l'automne 58, où là finalement on va trouver à partir ex nihilo une forme de désobéissance et de voie de la désobéissance qui va être portée à partir donc des insoumis, des déserteurs qui sont en exil en Suisse. Marius Loris, alors vous travaillez donc pour votre thèse sur la relation d'autorité dans l'armée française et donc sur cette question de l'insoumission, des résistances internes à l'armée pendant la guerre d'Algérie, et vous travaillez sur la justice militaire en particulier et ce qu'elle rend comme décision, comme arrêt, à l'occasion justement de ces cas de désobéissance qui sont de manière, qui sont assez nombreux et très très variés d'une certaine façon. Oui. Justement, donc là, mon travail se situe dans le prolongement de celui de Tramor. Par contre, j'ai eu accès moi aux archives de la justice militaire. C'est des archives qui sont par ailleurs qui ont été ouvertes pendant mon doctorat qui a commencé en 2013. Enfin, en tout cas, j'ai commencé à y avoir accès progressivement depuis 2013. Donc, c'est effectivement récent pour ce qui est de la question archivistique. Donc, on peut dire qu'il y a un profond renouvellement possible. Par l'intermédiaire de ces archives qui s'ouvrent. Tout à fait, parce qu'en fait, on a accès à la fois à ce qu'on appelle les minutes de jugement, c'est-à-dire les comptes rendus des jugements dans lesquels vous avez la description de qui sont les juges, qui est l'inculpé, d'où est, qui est-ce qu'il est, enfin, son état, par exemple, marital, sa profession d'origine, etc., son régiment, son crime, entre guillemets. Et puis, on a aussi les dossiers de procédure individuelle qui sont compliqués à avoir. Et là, pour le coup, c'est l'ensemble des PV, l'ensemble, en gros, tous les documents qui permettent de connaître des, si vous voulez, ces anonymes qui sont pas passés, enfin, qui sont pas les résistants politiques de la guerre d'Algérie et qui n'ont pas écrit. Et du coup, moi, c'est ça que je vois dans ma thèse, notamment, c'est que d'un côté, vous avez effectivement des appelés, hein, on peut en parler, qui commettent des actes de désobéissance, mais il y a aussi beaucoup de légionnaires étrangers, donc ça, ce qui est particulier, et aussi beaucoup d'Algériens appelés. Et qui sont réprimés. Les trois principales catégories de personnel militaire qui sont réprimés par le tribunal militaire et avec des chronologies différentes. Mais les années 57-58 sont des années très importantes. Alors, justement, les années 57-58, ce que je vois sur le tribunal militaire de tribunal permanent Forces armées de Constantine, le début de la guerre est marqué par un pic, si vous voulez, 55-56 de condamnations contre les appelés. D'accord. Et donc c'est le moment un petit peu de prise en main de ces soldats. Et ensuite, ce qui va prendre principalement relais, ce sont les Algériens appelés. Donc ils sont 180 000 sur l'ensemble de la guerre d'Algérie, donc qui sont particulièrement réprimés. Et les légionnaires qui eux restent stables et qui commettent un certain nombre de désobéissances tout au long de la guerre. Donc si vous voulez, 58, c'est le cœur de la guerre. Et il me semble que c'est plutôt un moment, effectivement, où la discipline est plus intériorisée, donc il y a moins d'actes d'insoumission, désertion, mais c'est plutôt des actes de désobéissance contre les chefs, des voies de fait, donc on frappe son chef, on l'injurie, etc. Donc c'est des problèmes de discipline, mais qui sont... On fait des outrages aux supérieurs, c'est ça ? Des outrages aux supérieurs, des refus d'obéissance, des sommeils en faction, voilà. Donc ça coûte cher au tribunal militaire. Et c'est principalement les appelés qui sont touchés pour ce genre de crime. La désertion, et c'est plutôt une forme de déviance militaire qui est plutôt... qui est majoritairement le cas des Algériens et des légionnaires. Et cela, évidemment, il y a une force statistique à aller regarder justement ces cas de désobéissance pendant ces années 57-58 avec vous, Marius Loris. Mais est-ce qu'on a des motivations qui sont présentées dans ces tribunaux ? Est-ce qu'on a des paroles qui, même anonymes ou presque anonymes, de gens qui ne sont pas connus, qui justifient ou qui tentent de se justifier face à cette justice militaire. Alors ce qui est problème, enfin disons que le problème c'est que ce sont des sources qui sont les sources du contrôle. Donc en fait on a effectivement des procès-verbaux de coupables, par exemple de voies de fait sur supérieurs, etc. En fait généralement la tactique de défense c'est toujours la même. En fait ça va être non, enfin c'est souvent j'ai pas fait ça ou c'est lui qui m'a frappé le premier, etc. On est dans des défenses très très classiques et très rarement politiques. J'en ai pas vu. En fait parce que il me semble que les actes disons de résistance et de désobéissance sont pas nécessairement portés par une intentionnalité politique. En fait derrière il y a pas forcément de cause politique, c'est la discipline, c'est pas forcément aussi directement ça s'exprime pas de cette façon-là, mais c'est des tactiques de résistance effectivement qui me semblent être contre l'autorité militaire mais qui sont pas directement politiques. Ouais. Qu'un trésor, celui de tes 20 ans. Tu ne vis que de rêves et de l'air du temps. Je mène avec toi une vie de bohème et nous n'avons même pas un sou brillant. Ça nous est égal du moment qu'on s'aime, qu'on soit obligé de jeûner souvent. Grâce à tes baisers, j'oublie le carême. Toi, tu fais de même. Moment qu'on s'aime dans notre sixième sous les toits tout là-haut, nous vivons à l'étroit comme des moineaux. Et lorsque l'hiver brusquement se déchaîne, si le froid nous gêne, on s'en plaint pas trop. Ça nous est égal du moment qu'on s'aime, s'il y a de la glace après les carreaux. Blottis dans tes bras qui m'enchaînent. Du moment qu'on s'aime. Dalida, un grand titre des années 1958-1959, du moment qu'on s'aime. Nous sommes dans un débat qui conclut notre série consacrée dans la fabrique de l'histoire à l'année 1958 en Algérie, avec Séverine Yattar qui coanime cette émission avec nous, avec Tramor Kemener, avec également, on vient de l'entendre, Marius Loris, et avec vous, Denis Leroux. Vous insistez, Denis Leroux, sur une figure militaire dont vous dites qu'elle est marquante dans ces années-là de la guerre d'Algérie, la figure du colonel. Alors, plus que des colonels, moi je travaille sur des capitaines. Mm-hmm. Alors les colonels, c'est ceux qu'à l'époque on en a parlé. La figure du colonel, elle apparaît autour de 58, justement. C'est des gens comme le colonel Trinquier, le colonel Lacheroy, qui sont des gens qui ont une visibilité médiatique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que derrière... Marcel Bijard, il est colonel à ce moment-là. Oui, oui, ouais, Bijard, il est colonel, puis colonel pendant la guerre. Ouais. Et c'est ouais. plus médiatique. Hein, je crois que c'est Roland Barthes qui disait que c'était un peu l'équivalent masculin Bardot, de Brigitte Bardot. mais c'est il y a vraiment un et truc... pas de Dalida, en l'occurrence. Non, pas de Dalida. Mais derrière, il faut voir qu'il y a plein de capitaines qui sont rentrés en guerre, qui sont rentrés dans la carrière militaire, généralement pendant la Seconde Guerre mondiale, jeunes. Parfois FFI. Voilà, parfois FFI, parfois engagés dans l'armée d'Afrique. Il y a des parcours assez différents. Et ces capitaines sont très nombreux. Ils sont surtout dans l'infanterie, quand on regarde un peu où sont répartis ces capitaines-là. Et l'infanterie, c'est une arme qui a du mal à se moderniser. C'est pas, l'armée est en train de se moderniser... devenir de plus en plus technique avec l'aviation, les tanks, les transmissions, trucs comme ça. Et bah, la technicité de l'infanterie, elle est pas. Mais c'est pas le corps à corps, justement. C'est plus le corps à corps, justement. Oui, c'est plus le corps à corps. Donc, ça l'infanterie, qui était la reine des batailles, devient un peu, c'est un peu les soutiers de la guerre d'Algérie, parce que c'est eux qui font le gros du boulot, qui sont répartis un peu partout. Et en même temps, dans cette idée de corps à corps, et dans cette idée de guérilla qu'il va falloir. Et surtout, alors, je veux juste finir sur les capitaines. Excusez-moi, ouais. Ils sont bloqués. Ils ont beaucoup de mal à passer au grade supérieur, à valoriser leur carrière. Il y en a qui vont rester bloqués des années dans leur grade de capitaine. Ça crée un ressentiment assez important. Et c'est eux les artisans vraiment de la pacification. C'est eux qui gèrent les compagnies qui sont dans sur le secteur. Et c'est, ils jouent vraiment un rôle très important. Et cela, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui les autorise, non pas simplement ces capitaines, mais ceux qui les dirigent, et en particulier ces lieutenants-colonels ou ces colonels, Tramor Kemener, à s'imaginer... Dépenseur du politique. C'est une des questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, ils se disent, bon, il y a une théorie, la guerre révolutionnaire, elle ne touche pas la totalité de l'armée en Algérie. Mais qu'est-ce qui leur dit, tout compte fait, qu'au bout du compte, on leur a laissé effectivement une grande part se développer. Qu'est-ce qui explique cela, oui, Denis Leroux? La guerre révolutionnaire, toute la doctrine de guerre révolutionnaire, le discours de l'action psychologique, l'Algérie nouvelle, ça a une fonction qui est bien pratique. Je veux dire, quand on mène une guerre avec tout son cortège d'horreur, et alors la torture, les exécutions sommaires, c'est des choses connues. Le faire juste pour protéger un statu quo colonial, c'est difficile à assumer. Mmh. Alors que si on le fait parce qu'on lutte contre... On s'inscrit dans une sorte de guerre mondiale totale entre le monde libre et l'Orient communiste matérialiste, bon, déjà, c'est déjà un peu plus valorisant. Si on fait la guerre pour une Algérie nouvelle où les Algériens seront des citoyens français à part entière, pareil, c'est plus valorisant. Donc ça fournit des justifications aux moyens utilisés. Et donc justement, après mai 58, bon, il y a quand même cette volonté, De Gaulle veut reprendre les choses en main. Enfin, le pouvoir civil veut asseoir le pouvoir militaire. Mais en fait, ça se passe pas de manière si évidente, je crois. Enfin, Denis Leroux, Tramor Kemener, cette espèce de reprise en main, ils vont mettre du temps. Ils ont créé eux-mêmes ce bureau d'action psychologique quand même. Alors peut-être qu'ils en ont été un petit peu dépossédés, donc en 56. Et au moment où il va falloir remettre... finalement faire une reprise en main du militaire par le politique, comment ça va se passer justement? Oui, effectivement, enfin, c'est un militaire qui arrive à la tête du pouvoir aussi en 58. Oui. Donc par effectivement aussi un discours qui est quasiment contre la République, effectivement révolutionnaire aussi, essayer de remettre en place l'autorité, très un discours très autoritaire et contre-révolutionnaire, et en même temps c'est le général de Gaulle, de ce point de vue là aussi, va rétablir en quelque sorte la hiérarchie au sein de l'armée, et va réimposer aussi ses vues. Ça va se faire plutôt dans l'année 59, ça, en l'occurrence. Voilà, effectivement. C'est-à-dire que l'arrivée au pouvoir... très rapidement, en fait. Hein, très rapidement, il y a des dissensions au sein de l'armée, parce que même au moment de la paix des Braves, certains sentent déjà... Donc à l'automne 58. À l'automne 58, effectivement, ils sentent déjà qu'il y a la tonalité du discours n'est plus la même. Donc, et toutes les personnes qui ont amené, en fait, le général de Gaulle à reprendre le pouvoir... sont écartés du pouvoir justement aussi. Donc du coup, finalement, ils s'aperçoivent que tout n'est pas si rose pour eux. Et de ce côté-là, Denis Leroux, tout de même, le général de Gaulle va fermer en 1960 cette belle organisation qui tournait depuis 5 ans autour de la guerre psychologique. Et donc il va y avoir une mise au pas, pourrait-on dire, en février 60, au moment de la semaine des barricades. Oui, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que le 5e bureau, en 59, tient son programme, c'est l'intégration. Il veut obtenir que les Algériens soient citoyens français, qu'il n'y ait plus de loi particulière à l'Algérie, que ce soit vraiment partie intégrante du territoire. C'est ça le slogan de Dunkerque et Tamanrasset, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, dans l'idée, on ne l'a pas dit, Denis Leroux, mais dans l'idée, il faut aussi changer les mentalités des Européens. Des Européens, oui, ouais. Tout à fait. Et ils vendent ce programme-là aux pieds noirs, justement, pour changer leur mentalité, et ils essayent d'impliquer De Gaulle de force là-dedans. C'est-à-dire qu'ils font, dans le Bled, le journal du 5e bureau, quand ils interprètent les déclarations de De Gaulle dans leur sens, alors que c'est pas du tout le programme de De Gaulle. Ils essayent de lui forcer la main, et De Gaulle profite de l'implication des chefs du 5e bureau dans la semaine des barricades pour dissoudre l'organisation. Et il y a un autre aspect qu'il faut voir aussi, c'est un aspect presque managérial de cette reprise en main. Toutes les équipes sensibles politiquement, de militaires, d'officiers, vont être dispatchés. Par exemple, le chef du CIPCG, en septembre 59, il est envoyé à Madagascar, où il est beaucoup moins gênant. Le CIPCG, c'est donc l'école de formation à Arzeux. Ouais. Donc, il est envoyé à Madagascar. C'est vrai que ça n'est pas de là qu'il pourra gouverner quoi que ce soit d'une rébellion possible ou d'une guerre psychologique en Algérie. Marius Loris. Oui, non, je revenais sur la figure du colonel dont vous parliez tout à l'heure. Effectivement, il me semble que les acteurs, en fait, les acteurs même peut-être plus centraux, comme le disait Denis, c'est les capitaines, voire les lieutenants. Il y a deux anecdotes à ce propos qui sont intéressantes sur le rôle politique de l'armée. J'ai un doute si c'est Charles qui disait ça ou Jouot, pendant un des généraux putschistes. Hein. Donc en avril 1961, le putsch donc des généraux, et il disait mais en fait le problème du putsch n'a pas fonctionné parce qu'on n'a pas su rallier les lieutenants et les capitaines. Absolument. C'était les colonels et les généraux, voilà. Et en fait effectivement si on regarde la notamment dans ces troupes de réserve générale, comment pouvait fonctionner un petit peu la question du commandement. En fait, on se rend compte que, alors, il y a des témoignages qui évoquent des fameux les soviets des capitaines. C'est une expression qui est née autour de mai 58, justement. Et dans certains régiments parachutistes, effectivement, ceux qui détenaient véritablement, enfin, en tout cas, qui avaient un pouvoir très important de commandement, parfois supérieur au colonel, c'était les capitaines, qui étaient souvent d'anciens, effectivement, d'Indochine, mais pas uniquement, et qui prenaient véritablement les décisions avec le colonel. Ils pouvaient décider, par exemple, que certains chefs de corps, c'est-à-dire des colonels qui leur plaisaient pas, ne rentrent pas dans leur régiment. Je dis ça parce qu'en fait, effectivement, c'est des acteurs qui avaient effectivement un poids direct, puisque c'est eux qui sont en contact concrètement avec les hommes, voire même les lieutenants, parce que parfois les capitaines, il y a un problème de sous-effectif en Algérie, et on retrouve même des sergents qui sont chefs de section, et des lieutenants et des sous-lieutenants qui sont chefs de compagnie, parce qu'il y a un vrai problème. Voilà, d'encadrement. On voit bien, Tramor Kemener, combien il est important de s'intéresser à cette structure militaire, tout de même, pendant cette guerre d'Algérie. Parce que on a souvent regardé, effectivement, la relation du pouvoir civil au pouvoir militaire, du pouvoir militaire au pouvoir civil. Mais même comment, en interne, cette structure militaire a des dissensions. Comme le disait Marius Loris, ce sont des armées, pas simplement une armée en Algérie. Et donc, d'une certaine façon, de montrer ce chatoiement très varié, cette variété des approches et des lignes de force qui ne cessent de bouger pendant ces années 57, 58, 59, 60. Et on voit jusqu'à maintenant que c'est une question qui traverse, parce qu'on reparle à nouveau d'une armée du contingent ou pas, et cette question-là est déjà aussi très présente pendant la guerre d'Algérie, parce que c'est aussi le putsch des généraux, justement, l'implication ou pas, et dans quelle mesure, des appelés du contingent contre le putsch des généraux. Donc c'est l'armée républicaine contre une armée qui ne l'est pas ou qui ne le serait pas. C'est une armée, effectivement, après, à l'intérieur, effectivement, au niveau des différentes armes, des traditions qui sont différentes. À ce moment-là aussi, c'est la question, on l'a évoqué tout à l'heure, la question de l'arme nucléaire, qui est de plus en plus présente. Et donc aussi avec le général de Gaulle, qui est, lui, favorable, justement, un, à une armée de métier, deux, à vraiment basculer l'armée dans une forme d'armée de métier et dans la nouvelle arme qui est l'arme nucléaire pour s'en doter. Pour ça, il faut des moyens. Donc les moyens, il faut les allouer là où on en a besoin. Donc c'est pas faire la guerre en Algérie qui est très dispendieuse en effectif, un, et aussi évidemment au niveau financier. Et donc c'est essayer de voir un petit peu comment à l'intérieur de ces différentes armes, de ces différentes traditions et effectivement ces différentes armées qui peuvent coexister, loyalistes ou pas. Mmh. Marius Floris. Justement, à ce propos, pour aller dans le sens de montrer qu'il y a plusieurs armées, notamment ce qu'on appelle les loyalistes ou les républicains, le bon exemple, c'est la figure du général El Rey. El Rey, c'est quelqu'un, il a une anecdote dans ses mémoires, il est à l'école de guerre, je sais plus, dans les années 70, et puis il rencontre quelqu'un qui était un général de l'époque de l'Algérie, il lui dit « toi, t'étais un général du contingent ». Donc c'est le titre de son mémoire. Et en fait, parce qu'effectivement, en fait, El Rey, ça va dans le sens de ce que tu dis, Tramor, c'est quelqu'un qui a développé les armes spéciales, et notamment qui a été le chef du programme nucléaire, un des chefs des programmes nucléaires français en Algérie. Et lorsque le putsch a lieu, donc De Gaulle décide de mettre à la tête de la 10e région militaire, c'est-à-dire de l'Algérie, El Rey. Et notamment, il va garder cette réputation au sein de l'armée parce que c'est lui qui participe de la purge aussi de l'armée, de ses éléments donc les plus séditieux, disons, qui va mettre en place les mutations. Et donc évidemment, l'esprit de corps étant ce qu'il est dans l'armée, c'est-à-dire très fort, généralement, un militaire qui commence à taper sur ses camarades, c'est mal vu. Et donc El Rey, c'est à la fois, c'est là où ça fait le lien, c'est effectivement 61, c'est le moment où effectivement, les gaullistes et El Rey va participer à purger, disons, les éléments politiques de l'armée d'Algérie et relancer directement, d'ailleurs, la question du contingent effectivement est centrale, mais c'est surtout donc armes nucléaires, fin de la guerre révolutionnaire 62, là c'est le Puloc qui décide d'enterrer littéralement la doctrine de la guerre révolutionnaire et dire maintenant c'est le moment effectivement de relancer la dissuasion, enfin de lancer véritablement l'arme nucléaire en France. C'est vrai, Nietta. Par ailleurs ou en outre la question aussi des changements de pratiques à l'intérieur de l'armée, notamment pratique de la torture, exécution, etc. Le pouvoir politique va avoir du mal à justement réprimer et changer les méthodes d'action de l'armée sur place, peut-être Denis Leroux. Dans les archives de De Gaulle, qu'on peut voir aux archives nationales, il y a des correspondances avec Charles, où De Gaulle dit à Charles... De Gaulle, des fois, est saisi par des gens qu'il connaissent ou par des correspondances de cas de torture. Et il intervient directement auprès de Charles. Il lui écrit, bon voilà, j'ai eu vent de telle histoire, tel officier qui fait telle chose. Et dans une longue lettre, Charles répond à De Gaulle, dit oui, bah je suis bien conscient de ces problèmes-là, je suis bien conscient des problèmes que ça pose, sauf que je ne peux pas me positionner contre parce que je ne serai pas obéi. Et vaut mieux que je me positionne pas parce que passer ouvertement pour un chef à qui on désobéit, ce serait complètement contre-productif. Donc il y a une inertie complète au sein de l'armée à ce niveau-là. Ça veut dire que même Charles craint finalement de remettre au pas son armée. Il ne s'en sent pas capable. Ouais. C'est justement la thèse de Raphaël Branche, de montrer justement comment la tentative de reprise en main. Par l'armée, par le pouvoir politique est très lente et en fait est quasiment impossible et que justement la solution entre guillemets des militaires c'est de dire plutôt qu'il y ait des violences illégales, on va les encadrer, on va les ordonner, comme ça on va mieux les contrôler. En fait elle montre dans sa thèse que finalement ces violences illégales ne s'arrêtent jamais mais qu'il y a une tentative effectivement à l'intérieur de l'armée de cette façon. Oui, alors le général El Rey effectivement est une belle figure. Il y en a une deuxième aussi qui fait un peu le lien, qui couvre la guerre d'Algérie aussi de 57 à 61, on va dire, essentiellement, c'est le général Paris de Bollardière, qui est une très grande figure, le plus jeune général de l'armée française, le plus décoré par l'étranger, qui s'oppose à la torture en 57 et qui s'oppose au général Massu, et qui, en fin de compte, va être amené à démissionner littéralement de l'armée au moment du putsch des généraux en 61. Un petit mot de Nidon. Oui, sur Bollardière aussi. Juste un petit mot, j'ai retrouvé des notes de De Gaulle dans ses correspondances, où il dit clairement... il faut que l'armée retourne dans ses casernes. Et je crois que c'est vraiment un des aspects importants, si on veut comprendre la politique de De Gaulle à la fin de la guerre, le désengagement de l'Algérie, c'est aussi un moyen de remettre l'armée dans ses casernes pour qu'elle soit commandable. Marius Lloris. Non, juste pour nuancer sur Bollardière, effectivement, on l'a vu comme un général qui s'opposait à la torture, en fait. Dans son secteur, dans le nord algérois, il a aussi pratiqué, enfin, en tout cas, ses troupes ont aussi, enfin, bien sûr, c'est pas du tout ce que tu dis, a pratiqué aussi des formes de violence. Après, effectivement, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde de près l'affaire Massu, Paris de Bollardier, en fait, c'est aussi une querelle de chefs. C'est un conflit d'autorité entre des chefs qui n'ont pas exactement les mêmes méthodes, mais pour qui il est très difficile au niveau de l'ego d'être subordonné. Par exemple, Bollardière, comme tu le disais, est le général le plus jeune de l'armée française. Ils ont été ensemble avec Massu, ils ont fait leur classe ensemble quasiment, mais ils ne supportent pas d'être sous ses ordres. Et en fait, ça, c'est aussi un conflit d'autorité et pas uniquement une question de méthode. Merci à vous trois, en particulier Denis Leroux et Marius Lloris. Un dernier mot avec vous, Tramor Kemener, parce que au mois de décembre dernier, un nouvel espace qui s'appelle l'Espace National Guerre d'Algérie vient d'être créé. Vous en êtes le vice-président, historien et vice-président de cet espace. C'est quoi cet espace et qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Internet et qui a pour ambition de rassembler chercheurs, témoins, toute personne qui s'intéresse à la guerre d'Algérie? Oui, tout à fait. Donc, c'est une association en fait qui. Alors, l'idée vient à la base de l'AFNACA, donc la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, qui pense en fait à la fin parce que voilà, ils vont au fur et à mesure s'éteindre et donc à passer le relais et en même temps passer le relais aussi de tout ce qu'ils ont pu faire et donc à essayer d'ouvrir au maximum à toutes les personnes de bonne volonté issues évidemment des historiens des membres associatifs aussi d'autres associations des personnes du monde de la culture à continuer un petit peu le travail pour collecter des témoignages avec ceux qui sont encore en vie justement et donc tous les témoins de cette période-là, collecter des archives et donc des documents et puis transmettre évidemment aussi cette information. Et donc on a effectivement lancé notre action avec un grand colloque qui s'est déroulé à la mairie de Paris le 20 décembre dernier. Et qu'on peut trouver sur le net. Et qu'on peut trouver sur le net, effectivement, en vidéo, en streaming. Et donc, voilà, ce sera notre action est appelée à se poursuivre, et j'espère, dans les meilleures conditions. Merci beaucoup à vous, Tramor Kemener. Et puis, merci. On vous souhaite bonne chance à tous les deux pour terminer votre thèse, donc, à Paris 1. À vous, Marius Lloris, sur les relations d'autorité dans l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Ainsi qu'à vous, Denis Leroux, sur l'action psychologique, la guerre révolutionnaire et ce fameux 5e Duro qu'on a eu l'occasion de découvrir avec vous dans l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous, Séverine Yatin, d'avoir co-animé et préparé l'ensemble de ces émissions consacrées à 1958 en guerre d'Algérie. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marcet. Jacques Hubert était à la technique aujourd'hui et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Et demain, dans la séquence mensuelle que nous avons avec l'histoire, nous continuerons à parler d'Algérie avec Tassadit Yassine à propos du numéro du magazine L'Histoire, numéro spécial consacré à l'histoire des Berbères.